C'était un chien si gentil. Il va tellement me manquer. B. Oh, j'ai gagné le gros lot. C. Je te déteste, tu es méchant. D. Tu la connais, toi, la maîtresse? E. Mais allez-y, monsieur, je vous en prie. Vous vous croyez intelligent? Eh bien, vous êtes un imbécile. F. Elle a de beaux yeux et des cheveux. G. Mais si, elle vous va très bien, cette jupe. H. Maman, regarde, les cadeaux!